L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Du 1er juillet au dimanche 1er septembre se tiendra du côté des Rives de Meurthe la plage des deux rives. Donc c'est un dispositif qui va fêter sa 4e édition et donc qui existe depuis 2021. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, eh bien on reçoit Claude Pourchet qui est directeur des sports et des loisirs de la métropole du Grand Nancy. Bonjour à vous. Bonjour à vous également, merci de m'accueillir. Alors déjà, dans un premier temps, ce concept de la plage des deux rives, pouvez-vous rappeler un peu à nos auditeurs qui est à l'origine de ce projet, un peu retracer la naissance ? C'est le président Mathieu Klein qui a souhaité qu'on mette en place un espace ouvert à tous gratuitement pour l'été, pour ceux qui ne partent pas en vacances, mais pas que. C'est l'idée d'avoir un espace de fraîcheur en cœur d'agglomération qui puisse se tourner autour du sport, des loisirs avec une baignade et un aspect aussi sur l'environnement puisque ces rives s'y prêtent particulièrement. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver des bassins, des transats Oui, on a prévu, comme depuis 2021, des espaces de baignade à accès gratuit qui sont ouverts sur l'ensemble de l'été, avec deux bassins de hauteur, de profondeur différentes, 1,20 m et 40 cm de profondeur pour le deuxième bassin, pour les plus petits. Et un splash pad, c'est une zone de jeu pour enfants, des jeux d'eau de 300 mètres carrés qui permet aux enfants de s'amuser. Tout ça est posé sur du sable avec des transats, des espaces d'ombrage. Et côté Nancy, la petite nouveauté aujourd'hui, ce sera une plage de sable avec des espaces de détente et d'ombrage également. Pour agrémenter tout ça, deux guinguettes sont ouvertes, une côté Tomblaine, une côté Nancy. Et côté Nancy, nous aurons cette année un village olympique avec des animations sportives et de loisirs tout au long de l'été. Parce que justement, cette édition 2024, comme vous le disiez, eh bien, il y a les Jeux olympiques. On a pu lire dans les actualités. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas qu'il y aura une fan zone à l'occasion des JO ? Est-ce que ce sera le cas ? Nous ne travaillons pas sur un concept de fan zone, nous travaillons sur un village olympique où on accueille le public pour des participations à des activités sportives. Alors, dans tous les sports, on fait ça en lien avec les associations du territoire. Il y aura quand même des temps forts. Hein. Il y a deux soirées cinéma qui sont de plein air qui sont prévues, une en juillet, une en août. On travaille actuellement aussi pour des animations équestres. Et puis, il y aura des animations avec une tyrolienne sur quelques jours en été. Tout ça, ça forme un programme autour de la dynamique des Jeux, ce qui va agrémenter encore un peu plus notre base de loisirs pour cette édition 2024. Donc, un très bon programme qu'on peut retrouver à partir du 1er juillet. La date d'ouverture, auparavant, était à la mi-juin. Et là, cette année, c'est début juillet. Qu'est-ce qui explique ce décalage de date ? La principale raison, c'était la contrainte en ressources humaines. Hein. Nous avons les difficultés à trouver du personnel pour la surveillance aquatique. En engageant une démarche d'ouverture à partir du 1er juillet, on arrive à mieux stabiliser les effectifs qui sont indispensables au fonctionnement du site, sachant que nos autres piscines continuent à fonctionner au mois de juin avec notamment l'accueil des scolaires et des groupements. C'est une des premières motivations, c'était les contraintes de fonctionnement. Pour encadrer tout ce dispositif, comme vous l'avez dit, ça demande beaucoup de personnes et vous en cherchez encore actuellement ? Oui, actuellement, on a encore 6 postes vacants en personnel de sécurité aquatique. On devrait pouvoir trouver, hein, on n'est pas inquiet. Mais effectivement, aujourd'hui, on est toujours en recrutement pour ce personnel spécifique qui est indispensable lorsque on a de la baignade. Cette plage des deux rives, ça existe depuis maintenant 2021, comme on le disait en début d'interview. Est-ce que ça répond à vos attentes déjà, mais aussi et surtout à celles des Nancéens ? C'est un succès populaire incontestable. Aujourd'hui, on a plus de 150 000 personnes qui viennent chaque été passer sur ce site pour se divertir, pour se relaxer ou pour se baigner. Et puis, sur la partie aquatique, c'est plus de 30 000 passages pendant l'été, hein, sachant qu'on compte chaque baigneur. Aujourd'hui, oui, c'est un succès très populaire qui a pris sa place sur le territoire de la métropole et qui est chaque année très attendu. Parce que c'est vrai que cette plage des deux rives, elle a aussi peut-être permis à des habitants de faire découvrir le lieu. Alors c'est une démocratisation encore plus importante des rives de Meurthe, qui sont quand même un écrin vert aujourd'hui dans l'agglomération, à proximité, à quelques minutes du centre-ville, avec toutes les commodités pour y arriver, on peut venir en mode doux, on peut venir en transport en commun, il y a du stationnement en périphérie, tout est réuni pour faciliter le trajet, la venue du public. On a des animations au cours de tout l'été. C'est un programme assez dense avec les concerts en lien avec l'autre canal. L'autre canal va aussi faire des animations autour de ces concerts. On a par ailleurs beaucoup de clubs sportifs de la métropole qui se joignent à nous pour un programme plutôt dense, puisqu'on a près de 40 associations qui nous rejoignent chaque été. C'est pas juste un lieu de baignade. Bien évidemment, la baignade est au centre du projet, mais c'est aussi devenu un lieu de vie, un lieu de partage pendant l'été. C'était un vœu très fort du président de la métropole de pouvoir offrir ce type de lieu aux habitants de la métropole, mais pas que, puisqu'on a des gens parfois qui viennent de beaucoup plus loin profiter de ce cadre-là et des dispositifs qui sont proposés. Beaucoup plus loin, c'est-à-dire des personnes originaires, par exemple, de Metz, de Strasbourg? Des Vosges, de Metz, oui, on a des gens qui nous disent venir de plus loin pour bénéficier du cadre de Nancy et profiter à venir passer un peu de temps aussi sur cette plage. C'est la conjugaison de plusieurs animations autour de l'été qui font l'attractivité du territoire. Donc là, il va y avoir la plage des deux rives. Mais est-ce que la métropole du Grand Nancy a d'autres projets pour la suite, que ce soit à court ou à long terme? Vous savez, on va déjà faire cette saison 2024, qui est quand même une saison très particulière avec les Jeux Olympiques. Donc, on sera à l'heure des Jeux sur la base de loisirs. Mais c'est aussi, pour l'instant, pour nous, dans l'idée de stabiliser l'ouverture au 1er juillet. C'est un gros projet chaque été qu'il faut mettre en œuvre de manière la plus opérationnelle possible pour que le public y trouve un confort, un attrait et un lieu de partage. Eh bien, merci à vous. On a hâte d'y être à la plage des Deux Rives, donc on le rappelle, qui se tiendra du 1er juillet au dimanche 1er septembre. Merci à vous, Claude Pourchet. On le rappelle, vous êtes directeur des sports et des loisirs de la métropole du Grand Nancy. Exactement, merci à vous également. Et puis, au plaisir de vous retrouver cet été sur ce lieu aménagé et ouvert au plus grand nombre. Eh bien, merci à vous, on viendra. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.